un homme qui passe toute sa vie sans avoir jamais le droit de trouver, jamais le temps de s'enfermer seul n'importe où, pour penser, pour réfléchir, pour travailler, pour rêver. Ah, mon cher, une clé, la clé d'une porte qu'on peut fermer. Voilà le bonheur. Le voilà, le seul bonheur.